fou d'artistes émergents. 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Rocky. On apprendra des choses plus ou moins importantes dans le segment C'est un fait, et Stéphane nous mettra des mots dans la bouche de la chronique sa plus simple expression. Assemblage Rocky commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Rocky. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rocky en ce lundi 2 février 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut, Steph. Salut. Passe une belle fin de semaine. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Des grosses affaires. On a bougé des grosses affaires. OK. J'ai viré mon salon de bar. Les divans. Je me demande à ce que ben, les divans, j'en ai juste un. OK. Je pense que t'avais genre beaucoup mangé de chips et que t'as transporté bien les grosses affaires. Genre. Non, mais écoute, hier soir, j'ai mangé les meilleures îles de poulet de ma vie. Ah, c'était... Il y avait un match de sports ball, patente. De sport de balle, effectivement. Puis, j'ai mangé des ailes de poulet. Vas-y, miam. On va parler justement un petit peu de Super Bowl aujourd'hui dans la chronique Le Bloc Pub. La chronique marketing tantôt, mais pas trop. Ça tombe bien, j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai juste vu deux. Ouais, c'est ça. Ouais. On fera pas le tour de celles que vous allez voir dans les grands médias aujourd'hui. On a aussi, c'est un fait, lundi c'est toujours ce qu'on fait, donc on va apprendre des affaires dans ce domaine universitaire. Et puis à 9h, sa plus simple expression. Bien sûr! La chronique où tu décortiques des expressions de la vie tous les jours. Voilà, j'aurais pas pu mieux dire. Ben non. J'aurais pu te le demander pour commencer. Pourquoi pas faire soi-même ce qu'on peut si bien faire soi-même? Ouais, exact. Pourquoi remettre aux autres ce qu'on peut dire maintenant? La monnaie de leur pièce. Voilà. Fendue en quatre. Voilà. Donc c'est le plan d'émission d'aujourd'hui, c'est simple, on n'a pas David Ferron, donc... Comment ça donc? Je sais pas, il est pas là. Il y a une vie en dehors d'Assemblage Rocky. Apparemment, on n'est pas les seuls à exister, donc... Ah ben, coudon. Lui qui est là à 8h30 d'habitude, et petite exclusivité que je vous annonce en primeur, la semaine prochaine on va avoir un nouveau chroniqueur le lundi, donc on vous en reparle plus tard. Mais pour l'instant on débute en musique, avec une pièce du palmarès. Mais ça arrive jamais ça? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait là? On commence avec Century Palm, une pièce que j'adore du côté anglophone, et je pense que tu l'adores toi aussi. C'est clair, c'est Century Palm. C'est ça, c'est Century Palm, mais elle nous amène jusqu'à l'éther et plus loin encore, comme on dit, to the ether, tout de suite. C'est fou. We'll be right back. faut pas que tu me parles le poulet de même le matin. J'ai faim, j'ai faim. C'était nos amis de Century Pond et To The Aether. L'assemblage requis. C'était bon, comme des ailes de poulet. Miam, miam, miam, miam, sans lâcher les doigts, toi. On va se lécher les doigts pour pouvoir mieux tourner les pages d'une encyclopédie pour apprendre. Okay. C'est un fait. Hein? C'était cute, ça. C'était cute. Non, oui. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables de l'assemblage requis. Est-ce que tu trouves que tu chantes mieux dans tes nouvelles écouteurs ou pas? C'est une bonne question, ça. faut être relatif, donc mieux qu'avant, peut-être. Moins que demain, mais mieux qu'hier, c'est ça? Faut mieux que deux, tu l'auras. C'est ça. Avec deux pierres d'un coup. Plus du miel. C'est ça. Donc, c'est un fait, Steph. On va commencer avec l'Eldorado. T'as sûrement lu des articles une fois de temps en temps dans les grands médias là, qui sont tout le temps en train de dire « Ah, l'Eldorado de telle affaire. » C'est tout le temps les expressions, tu sais, là. Oh ouais. L'Eldorado! Puis là, ils te font sentir que t'es pas à l'école assez longtemps. C'est ça où tu regardes le livre de recettes de Ricardo puis t'as les Eldorado, tu sais, parce que c'est des Ricardo, les ailes de poulet de Ricardo. C'est les Eldorado. Ouais, j'avais déjà pensé. Ouais, j'imagine que c'est vrai, mais c'est ouais. Ça, ouais. Je vais me retenir. Donc, malgré la croyance populaire, donc au contraire de la croyance populaire, l'Eldorado, c'est pas une légendaire cité d'or en Amérique du Sud, mais plutôt une personne. Je te le jure, Eldorado, c'était le chef d'une tribu du peuple Musca, un peuple indigène. Donc, quand on parle de. C'est pas un parfum, ça, du Musca? Peut-être. C'est pas une sorte de céréale, ça aussi, ça, c'est des Muslix. Hey, j'ai mangé ça un matin. Hey, miam! Donc, ça a rapport avec les conquistadors et etc. Les détails sont pas super importants, mais sachez que c'est pas un endroit, c'est une personne, Eldorado. Donc, quand quelque chose est un Eldorado, ben ça veut dire que c'est une personne. Je suis flabbergasté. Flabber, comme on dit. Flabby. T'es flabby. Je suis flabby. Tant que tu dis pas que je suis chubby. T'es chubby. Ça serait vrai, mais ça serait pas gentil. Si t'es chubby, paradis. Si t'es. Oh! Hey! Ben, ça sonne bien. Ouais, quand même, pas super. certains hôtels ont un sensor dans le minibar qui va automatiquement vous charger si un article bouge, même si vous n'aviez pas l'intention de le consommer. C'est traître. C'est traître, donc vérifiez votre facture avant. Ouais, mais il y a des minibars, aussitôt que tu l'ouvres, ils le savent, parce qu'il y a comme un mécanisme quelconque. Ben, c'est ça, là. Mais après ça, ils regardent si t'as consommé. Exact. Donc, peut-être qu'ils vont vous le charger, parce que vous le créditez s'ils voient que vous l'avez pas finalement vraiment mangé. On sait pas. Dans une étude internationale par rapport à l'âge et au bonheur, les gens étaient à leur plus malheureux à quel âge, à ton avis? 15 ans. T'es jamais content à 15 ans. C'est vrai, là. T'es très négatif. Persécution. Puis à 2 ans aussi, ouais, dans la phase du nombre. C'est à 46 ans que t'es le plus malheureux. 46? 46 ans. Ça va bien. Ah. Pourquoi 46? Ah, c'est comme entre la crise de la quarantaine et la crise de la cinquantaine. Ah, peut-être. T'as pas encore eu ton nouveau char et ta nouvelle... chat, ouais. Hein? Ouais. Hein? Quoi? Ensuite, un policier undercover a demandé, en fait, a pas forcé, mais a convaincu, disons. Je pense pas qu'on puisse forcer quelqu'un, mais a convaincu un étudiant qui n'avait que des A dans tous ses cours, là, tu sais, un étudiant parfait, de tomber en amour avec elle. Et ensuite, elle a forcé à lui trouver du pot. Il a été arrêté et retiré de l'école. Hein, donc, une policière undercover. Ben ouais, mais on s'entend-tu qu'il y a rien de professionnel là-dedans? Pas grand-chose, non. Ouais, Oui. Pendant 8 ans, un garçon britannique de 23 ans était pris dans un constant événement de déjà-vu. Tu sais, quand tu dis ça, il me semble que j'ai déjà vécu cette situation. Donc, des déjà-vu, mais constamment. La condition ça doit être horrible. Ah, ça doit. C'était tellement persistant qu'il évitait de regarder la télévision, d'écouter la radio, de lire le journal parce qu'il avait déjà l'impression d'avoir déjà tout vécu ça avant. Une fois, il est allé se faire couper les cheveux et en entrant, il avait une impression de déjà-vu. Et ensuite, il a eu un déjà-vu de ce déjà-vu-là. Et il était pas capable de penser à d'autres choses, donc... pendant 8 ans, il a vécu ça, un garçon de 23. Ben, garçon, voyons un donc. Homme. Ça se peut-tu, hein? C'est assez pour virer fou, là. Ouais, vraiment, là. Tu sais, des fois, quand ça dure déjà 5 secondes, tu trouves que c'est super long, puis tu te sens bizarre. Ouais. C'est ton cerveau qui te joue des tours, parce que clairement, t'as jamais vécu ces situations-là, mais... Tu sais pas. Tu sais pas. Bill Murray, dans Le Jour de la Marmotte. C'est... Allô? C'est ça? Tu te rappelles que le jour de la marmotte, c'est pas mal... c'est pas le 2 février, ça? Le 2 février? Je pense que c'est aujourd'hui. Je sais pas, mais ça a l'air qu'il y a un porc-épic qui prédit les résultats du Super Bowl. Puis il s'est trompé hier. Moi, je suis sûr qu'il passe à job. Mais bref, aujourd'hui, on est quoi? On est le 2? Ouais, c'est aujourd'hui. Mais j'imagine que vous allez en entendre parler ailleurs, fait qu'on en parlera pas plus longtemps que ça. Okay. C'est le jour de la marmotte, genre là? Là, aujourd'hui, live, hey, live, on, peut-être qu'on se parle. On va s'arranger pour faire une bonne émission, parce que ça va jouer une couple de jours. Une OSBL canadienne a commencé à enseigner aux alcooliques de Vancouver et de la place là, proche de Vancouver comment fabriquer leur propre bière et leur propre vin pour les empêcher de trouver d'autres sources alternatives d'alcool comme l'alcool à friction, le rince-bouche, le truc pour se laver les mains sans eau. Ils ont pas pensé plutôt lui faire la chronique de Justine Pertine qui explique que tu peux pas te saouler avec cet alcool-là, mais que tu peux juste mourir puis péter tes cellules. C'est une bonne idée. Et peut-être aussi les aider à arrêter. Peut-être arrêter. Mais ouais. C'est ça, mais tu sais, il y en a qui sont fermés à l'idée d'arrêter, donc tant qu'à boire, aussi bien boire de la. Moi, ouais, je préférerais les éduquer sur les dangers de. Donc, t'es en train de me dire qu'on devrait pétitionner au CRTC pour faire augmenter notre puissance de diffusion pour se rendre jusque dans le coin de Vancouver. Exactement. C'est noté. Mais en passant par l'Europe, là, tu sais qu'on tourne par là. OK, tout le tour de la planète. Oh, ouais, moi, je veux pas qu'on passe par l'autre bord, okay. C'est trop cool. On est le seul 89.1 FM dans le monde, je pense. Bien sûrement. Verizon, c'est une compagnie de téléphone aux États-Unis, téléphone, internet, télé, de télécommunications, si on veut. Donc Verizon, qui a signé une entente en 1994 avec le gouvernement de l'État de la Pennsylvanie pour fournir à l'État au complet l'internet par fibre optique d'ici 2014. Ça, c'était dans le passé, mais d'ici 2014, c'était en 94, on le rappelle. Ils ont reçu 2,1 milliards de dollars en truc d'impôts, là, tu sais, bref, en déduction d'impôts, je sais pas trop quoi. Ah ouais? Mais ils ont jamais rempli leur côté du contrat. Pas la fibre optique de Verizon en Pennsylvanie. T'imagines? C'est il y a 10 ans plus. Une fois qu'il a quitté le bureau de la présidence, le président Harry Truman a décidé qu'il ne voulait pas être payé. Donc il ne voulait pas recevoir l'argent. Croyant que ça allait diminuer l'intégrité du poste de président, donc il voulait pas profiter du système en recevant de l'argent. Il y avait aucune économie personnelle. Son seul salaire était sa vieille pension dans l'armée de 130$ par mois, donc il vivait avec ça, le président Harry Truman. Ben voyons. Il ne voulait pas être payé par le gouvernement. Un prêtre sur le Titanic a refusé de monter dans les petits bateaux là, pour se faire sauver. À la place, il est resté derrière pour écouter les confessions et tout ça des gens sur le bateau, leur donner le pardon. C'est beau, ça. C'est mignon. Inutile, mais oui, beau. Tout à fait. Il y a un homme qui a souffert d'une attaque cardiaque et il a eu des dommages au cerveau et il a perdu la capacité à se sentir triste. Oh, c'est triste! C'est triste, en effet, mais il ne saura jamais. C'est Malcolm Myatt, 68 ans, qui a eu une crise. Ça a affecté le lobe frontal de son cerveau, qui est la partie du cerveau qui contrôle les émotions. Résultat, il a perdu la capacité de sentir triste. Les docteurs disent que c'est pas quelque chose qui est particulier ou c'est quelque chose de commun, dans le fond, c'est ce qu'il veut dire. De souffrir des désordres psychologiques après une crise cardiaque. Donc, des changements émotionnels, des changements de comportement. Malcolm a été surnommé Mr. Happy par les médias. Ouais, mais pour vivre pleinement ton bonheur, faut que tu puisses connaître l'inverse. Ouais, faut relativiser après ça. Ouais. Faut que tu vives des mauvaises expériences pour que les autres aient l'air meilleurs par comparaison. Malgré que s'il y en a déjà vécu beaucoup des mauvaises expériences, ben de la tristesse, parce que là tu peux vivre d'autres émotions, tu peux vivre de la colère et tout ça, tu peux vivre tout ce qui est en parallèle, là, mais. Sûrement qu'une attaque cardiaque, c'est triste. Fait qu'il a vécu une dernière tristesse avant de devenir complètement heureux. Ben, il s'en est peut-être pas rendu compte. Peut-être pas. L'histoire ne le dit pas. En Bolivie, on emploie des gens déguisés en zèbres pour diriger le trafic. Ils aident les gens, les enfants surtout, et les personnes âgées, à traverser la rue ou prendre l'autobus. Ils vont aussi danser et rire des mauvais chauffeurs. C'est des zèbres. Puis ils dansent dans la rue. Allez voir les gifs animés sur assemblagewiki.com. C'est bizarre. Ça se passe à La Paz, en Bolivie, où le trafic fait beaucoup de bruit. C'est un vrai cauchemar, mais bon, aussi, quand on essaie de traverser la rue en tant que piéton, c'est épeurant. Donc, la solution est d'avoir déguisé des gens en zèbre. Ben oui, pourquoi pas, tu sais. Tant qu'à mettre quelqu'un avec un dossard, ben, un zèbre. Un zèbre, c'est comme deux dossards. C'est comme un demi-dossard fois deux. Donc, tout un dossard. Ensuite, en 1955, Jonas Salk a choisi de ne pas breveter le vaccin de la polio pour le bien de l'humanité. Résultat, il n'a pas reçu l'argent estimé qu'il aurait pu recevoir de plus de 7 milliards de dollars. Il a dit, je cite, « Il n'y a pas de brevet. Est-ce qu'on pourrait breveter le soleil? Des millions de gens à travers le monde ont été sauvés à cause de ce vaccin-là et lui ne veut pas prendre le crédit. Il l'a juste découvert. » Mais c'est bien, ça. Ouais, c'est un gars humble, on pourrait dire. Parce qu'on s'entend que si tu prends le brevet, ben t'es le seul à pouvoir le faire, tu sais. Ah, voilà. Tu peux peut-être pas fournir. C'est monsieur donc Jonas Salk. Mais tu vois que, tu sais, il s'est pas slacké à Saint, je sais pas. Il faut jouer de moi avec Salk puis Slack. Ouais. Je sais pas. Un oiseau de mes pocs. Et dans le livre des records Guinness, comme oiseau avec le plus grand vocabulaire du monde, un vocabulaire de 1728 mots. Et puis non seulement il pouvait mimer, faire des mouvements, genre peut-être pas mimer, genre premier mot sonne comme, puis il jouera pas à le jeu avec des mimes. Au charade. Au charade, il jouera pas au charade, non. Mais quand même, il créait ses propres phrases et ses avec son vocabulaire de 1728 mots. Mais quand même. C'est plus que bien des gens que je connais, ça. Hein? Nice, c'est chill, ça. J'osais pas hein? le dire. Donc, à cette époque, un Budgerger, ou un Budgie, qu'on appelle aussi perroquet, en Amérique du Nord, donc a été accepté dans le livre des records de 1995 comme l'oiseau avec le plus grand vocabulaire du monde. Et puis, c'est ça. Il utilisait des phrases appropriées dans certaines situations et souvent avait l'air de comprendre son environnement parce qu'il utilisait les bonnes phrases au bon moment. Étrange, hein? Ensuite, ça c'est un drôle de phénomène naturel, c'est un des cercles de glace. En fait, c'est un phénomène naturel qui arrive dans l'eau, dans les climats froids, dans l'eau qui bouge très lentement. C'est très rare et les ronds tournent. Donc, vous allez voir les photos sur assemblagerequis.com. On dirait à l'intérieur d'un grand bassin d'eau qui a une espèce de cercle qui tourne sur lui-même d'eau. On dirait un genre de cyclone ou quelque chose comme ça. Et donc c'est formé par des morceaux de glace qui se font prendre dans un genre de tourbillon dans l'eau. Et ça commence à tourner en cercle et ça fait des cercles dans l'eau, des cercles de glace. Arrête là, c'est clairement les extraterrestres. Ben c'est sûr, ça c'est les extraterrestres. Certaines personnes ont peur d'être trop heureuses. Faut pas faire la liaison parce qu'il y a un H. C'est facile. Hein? Tu fais une crise cardiaque? Puis là, ben, tu sens plus le bonheur. T'espères psychologiquement pouvoir perdre le bonheur. Et non l'inverse là, de l'autre monsieur. La tristesse. Hey. Ben oui. Donc, certaines personnes ont peur d'être trop heureuses parce qu'elles pensent que quelque chose de tragique va leur arriver s'ils sont trop heureux. Mm-hmm. Ça s'appelle la chirophobie. C'est l'aversion au bonheur. C'est la peur extrême et irrationnelle de tout ce qui est gay, donc heureux. En croyant que si tu deviens heureux, un événement négatif va arriver, ça va changer ton bonheur, le virer de bord. Ceux qui ont cette chirophobie ne sont pas toujours tristes, ne sont pas toujours apeurés, pardon, mais ils ont peur d'exprimer leur bonheur quand ils en ont. La chirophobie peut être causée par un événement traumatisant ou une expérience négative. Ça peut aussi être causé par une peur intense de la déception. Si t'es pas, si tu te mets pas trop d'attente, tu seras pas trop déçu. Ça. Faut que tu sois donc le plus négatif possible. C'est un peu triste, par exemple. C'est un peu pathétique et triste, ou encore pathétriste. Ben pathétique, tu choisis pas d'avoir peur de ça. Non, pathétrice l'aiguille. Non. En 1963... C'est le mensonge. Mais hey, en 1963, un homme a détruit un mur dans sa maison. Tu me suis jusque-là? Oui, oui. 1963, détruit un mur de la maison. Derrière, il a découvert une pièce mystérieuse. Et ensuite, il a découvert un système de tunnels compliqué. Ah, c'est tellement mon rêve. Ah, c'est génial. Qui menait vers d'autres pièces qui ressemblaient à des cavernes. Ce qu'il a découvert, c'était une ville sous la terre, en Turquie, la ville de Derin Kuyu. C'est une méchante découverte, ça. Ben, je t'ai créé, il a trouvé un quoi? Dairy Queen, t'as dit? Dairy Queen, chez eux, en Turquie, en dinde. Il a trouvé de la dinde chez Dairy Queen, hein? Ouais. Ça devait être des brownies à la dinde. Wesh. Dans la crème glacée. Wesh. Bref, allez voir la carte sur assemblagerequis.com. Un homme d'affaires chinois millionnaire nommé Xiong Xiwa a décidé de bulldozer toute une ville de huttes dans son village. Ah, il y a détruit des pizzas? Non. il y avait des huttes dans un petit village où il a grandi. Il a décidé de construire, on rappelle que c'est un millionnaire chinois, il a décidé de construire des appartements luxueux. Et ensuite, attention, il a donné les clés aux résidents à place gratuitement. Ouais. Mais en passant le bulldozer là-dedans, là, il a peut-être détruit des choses, tu sais, sentimentales. Ça se peut, ça. Non, ça mais là, je peux pas croire qu'il est arrivé, puis... Non, j'imagine. Sans avertir. Il a tué tout le monde dans les huttes, en plus. Non, c'est pas vrai. Donc, c'est un homme d'affaires chinois millionnaire, Zhang Xiwa, qui est né dans le village de Jiangkeng, dans la ville de Xinyu, dans le sud de la Chine. Il a dit que... Sa famille avait toujours été bien nantie. Et puis il voulait aider les résidents du quartier. Donc quand il a eu 54 ans, il a fini par faire des millions de dollars dans l'industrie de l'acier. Il a décidé de renvoyer la faveur, le service aux gens de la communauté gratuitement. Voilà. On va prendre une pause, on va terminer avec un deuxième bloc de cet effet tout à l'heure. Mais avant ça, on écoute Stereozor et Kaleidoscope au 89.1 FM. Et la pièce Kaleidoscope à Assemblage Requis. On prend une petite pause au retour. Une deuxième partie de C'est un fait. Plus tard, c'est la chronique Le Bloc Pub et sa puissante expression plus tard aussi. Voilà, c'est tout dit. C'est toujours une belle émission, ça. Wow, je crois rêver. Je crois rêver. Fou d'originalité. Sur le campus, c'est le 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. On est lundi matin, le 2 février 2015, c'est Stéphanie Paradis. Louis et Mathieu Blanc. Oui, un changement de tous les plans. On va perdre Stéphanie très bientôt, mais avant de la perdre, on va faire tout de suite sa plus simple expression. Hey, hey, ho, ho! Sa plus simple expression! Y. Y, c'est pas, ça fait pas des fleurs, ça, dans les chats? Ah oui, c'est pas un pouce en l'air, Y, avec des parenthèses? Hein? Je sais pas, ça a changé, tu sais, MSN style, ah, Facebook style. J'avoue, hey, on est tellement pas 2015, nous autres, dans nos médias sociaux. Hein. On est encore là, puis on se chatte sur ICQ. ICQ, j'ai comme mélangé ICQ et ICQ. Je m'ennuie quand même de MSN. Oui. Tu sais, c'était tout le temps ouvert, tu pouvais être originaux dans ton nom, là. Puis... Être originaux, tu pouvais vraiment être originaux, là. Ah ouais, on vous. Ben non, mais tout le monde. Ah, tout le monde en même temps. Donc, c'est la plus simple expression, c'est la chronique où tu nous expliques des expressions, toi, Steph. Oui, voilà. Une chose. On commence avec MSN. Non, je fais ça aléatoire, là. J'ai pas actuellement pas de thématique. Non, c'est. Ben, en fait, oui, c'est la thématique restante. On met ça dans le micro-ondes, ça va être bon. Un goût de boulette. Bien. Voilà, cordon bleu. Cordon bleu. L'affaire est dans le sac, Mathieu. Ouais, ben, le sac, c'est un euphémisme pour, évidemment, la poche testiculaire. Donc, l'affaire est dans le sac, ben, c'est quand t'as tout ce qu'il te faut à l'intérieur, c'est-à-dire que t'as pas encore eu à te faire enlever des balles, des Super Balls de ta poche. Non. Non? Ah. L'affaire est dans le sac, c'est le tour est joué. L'entreprise ne peut pas échouer. L'affaire doit ou va réussir. C'est un tour de magie, le tour est joué. Les cartes, les jeux sont faits. C'est ça? Non, pas ça. Non. Non, non, mais non. Ça veut dire que, tu sais, on peut pas, là, pas l'avoir. C'est fait, là. C'est comme, on l'a, là. C'est bon. Signed, hein? Deal. L'affaire est dans le sac. Donc, c'est aux alentours du 17e siècle, à une époque où, au cours des procès, nombre de documents étaient écrits sur des rouleaux de papier. Les avocats et magistrats transportaient ces pièces dans des sacs et non dans des mallettes, comme on peut l'imaginer aujourd'hui avec des hommes d'affaires. Donc, une première explication de l'apparition de la métaphore vient des avocats, bien entendu. Donc, à la fin du procès, l'avocat, certain d'avoir défendu son client, rangeait ses documents dans son sac en attendant le verdict, en pensant que l'affaire était dans le sac puisqu'il n'aurait plus besoin de les ressortir. Ah. Sinon, la deuxième explication vient tout simplement de l'archivage. Donc, toutes les pièces du procès étaient également rangées dans un ou des sacs pour être archivées. Donc, à partir de ce moment, l'affaire qui était terminée était dans le sac. Ouais. C'est logique, hein, ben n'est-ce oui. pas? Ensuite, à la file indienne. La file indienne. Ouais, ouais. Ça, c'est... Il manque une lettre, c'est la fille indienne, en fait. OK, c'est, excuse, c'est ma faute de frappe, bien entendu. Puis c'est quand ton principe, ton fantasme, c'est de mettre de la sauce à l'ail partout sur la... Je sais pas, ça va rapport avec l'indien, mais bien. La sauce Matika Masala, c'est ça. À la place d'avoir des Tiga Masala, t'as des filles indiennes. Tiga Masala! Exact. Tu compris. C'est ça. En fait, non, il n'y avait pas de faute de frappe, en fait. C'est à la file indienne. Donc, c'est l'un derrière l'autre ou en se suivant un à un. Donc, c'est parfaitement synonyme de « à la queue leu-leu ». Donc, c'est exactement la même chose. Cette expression date du 19e siècle. Elle viendrait de l'engouement qui existait à cette époque pour les récits indiens d'Amérique du Nord. Donc, en fait, c'est amérindien. Comme « Le dernier des Mohicans », par exemple. Hein? Est-ce que tu connais ça? Le film avec Mel Gibson. Ben, à la base, c'est lui. C'est un roman de Fenimore Cooper. Je sais pas, j'ai jamais vu ça. Ah ben. Ça se peut. Donc, dans lequel il était décrit comme en se déplaçant dans certaines circonstances, les uns derrière les autres, donc en file indienne. Mm-hmm. Donc, ça date de ces récits-là. Et si je ne m'abuse, je crois que c'était pour pas que les ennemis sachent combien ils étaient. Donc, en étant à la file indienne, les traces se mêlaient, donc ils ne pouvaient pas déterminer le nombre d'Amérindiens qui se promenaient. Donc, j'imagine que c'était chose courante. Mais là, on voyait ça dans les récits d'Indiens, entre guillemets. Ça va être ça. Amérindiens. Ouais. Ensuite, faire faux bon. Faux bon. Ça va avec moribond. Hein? OK. Non, faux bon. Oui, ça, c'est quand t'arrives à l'épicerie. C'est ça. Quand t'arrives à l'épicerie. Puis tu t'es fait imprimer, falsifier des bons d'achat de circulaire. Tu fais faux bons. Oh, voilà. Ça n'a pas de classe. Les couponneuses seraient pas fières de toi. Les couponneuses. On dirait une pouponneuse. Mais pour les coupons. Mais pour les coupons. Donc, faire faux bons, c'est ne pas répondre aux attentes, manquer à un engagement ou ne pas aller à un rendez-vous. Donc, cette expression est attestée au 16e siècle comme signifiant faire banqueroute. Peut-être par malentendu avec faire faux bon de paiement. Donc, pratique pouvant mener à la faillite. Mais à la même époque, jouer un faux bon, donc, ne signifiait pas quelque chose comme décevoir, mais plutôt comme trahir ou nuire. Donc, l'origine de ce faux bon, là, étant donné qu'on parlait de jouer un faux bon, ça vient du jeu de paume. Je sais pas si tu connais ça, c'est l'ancêtre de tous les jeux de raquettes, en fait. Okay. Oui, oui, avec la main directement. Ça? J'imagine, étant donné que ça s'appelle le jeu de paume. C'est ça, là. Mais personnellement, je connais pas assez les règlements pour jouer. Ouais. Donc, ça vient de ce jeu-là où une balle qui rebondit mal ou qui rebondit en déviant ne peut être renvoyée. Donc, la personne qui fait faux bond est, par métaphore, assimilée à cette fichue balle qui déçoit profondément de n'avoir pas rebondi comme il le fallait. Ah non, c'est le méchant frère à moustache de James Bond, faux bond. Faux bond. Faux. Ah, I'm Bond. Faux bond. Non, mais c'est ça, dans le fond, c'est quand il avait envoyé un de ses clones. Oui, les Stormtroopers de James Bond. C'est ça, les clones de Bond contre-attaque, là. Exact. Puis il y avait dit, c'est parce que c'est pas James Bond, ça c'est un faux Bond. Il y a avec la même moustache, man. C'est parce qu'il a pas demandé son martini à cuillère, il a demandé shaker. Comme un faux Bond. Voilà. Continue. Oui, en mettre plein la vue. Oui, plein la vue, le gars des vues. Hein, donc c'est monsieur le gars des vues, on sait que son nom de famille c'est des vues, donc en mettre plein c'est la Dave. Vue. Dave U, juste ouais. U. Mais sa sœur s'appelle La Vue. Fait qu'en mettre plein la vue, c'est la sœur de... Oh, mais non, mais ça, c'est sexuel. C'est ça. Tu en mets plein dedans, Madame la Vue. Ah, mettre plein la vue, c'est impressionner, épater, éblouir. Comme toutes mes références, quand tu me demandes c'est quoi ça veut dire une expression, c'est impressionnant, je vous en mets plein la vue. Oui, exactement. Donc, cette expression vient du 17e siècle... mais avec un sens initialement différent. Donc, à cette époque, donner dans la vue à quelqu'un était lié à un tissu, une étoffe, dont le brillant, synonyme de qualité et de cherté, attirait le regard et impressionnait. Donc, cette notion d'attirance, c'est un moment prolongé avec un glissement du sens vers l'équivalent d'exercer une grande séduction. Donc, l'apparition du plein vient d'autres locutions comme mettre en plein, qui voulait dire atteindre le milieu d'une cible. Mm. Hein? Comme je l'ai mis en plein dedans. En plein dedans. ouais, c'est ça. Comme sourire de plein dedans. Là. Oui, c'est la ça. Même chose. C'est ça. Donc, autrement dit, comme c'est la vue qui permet au premier jugement, même inexact, celui qui cherche à en mettre plein la vue, veut briller, vise métaphoriquement les yeux de la personne qui veut fortement impressionner. Donc, cette expression est maintenant considérée comme familière, ce qu'elle n'était pas à ses débuts, puisque peut-être suite à la comparaison avec d'autres locutions familières comme « en avoir plein le dos ». Mais encore plus familier, il y a aussi « en foutre plein la vue ». Oui. Qui est utilisé beaucoup en France. C'est vulgaire, ça, ouais. Non, « foutre », c'est foutre. OK. Fait que je vais commencer à dire ça. Tout le temps. Tout le temps. Être dans le pétrin. être dans le pet, hein? C'est rein. OK. Fait que quelque chose par rapport à rein, peut-être. T'es en train de péter, puis ça te donne mal au rein. Fait que t'es dans le pétrin. C'est ça. OK. OK. J'ai vraiment rien d'autre. C'est plate, hein? C'est plate, hein? Ouais, c'est donc, ça. Donc, être dans le pétrin, c'est dans une situation délicate, embarrassante, comme. Comme ça, mettons! Hey! D'où il semble impossible de sortir. Et là, je voudrais à l'avance m'excuser pour les mauvaises blagues que je vais sortir qui ne sont pas de moi, mais qui sont dans le texte de référence. OK. Donc, je voudrais m'excuser tout de suite si jamais je l'ai dit sans faire exprès. Attends de voir si c'est drôle, puis si c'est drôle, prends le crédit. Ben non, mais je ne peux pas le lire avant. Ah. On va faire des blagues. Donc, être dans le pétrin, c'est être dans une situation délicate, comme je le disais. Donc, le boulanger vous dira que de son pétrin, il vous sort une pâte amoureusement malaxée avec laquelle il va pouvoir vous préparer de succulentes baguettes. Car à l'origine, depuis le 12e siècle, quand même, le pétrin était ce coffre en bois dans lequel le boulanger pétrissait la pâte à pain. Ah. Mm-hmm. Donc, avec la mécanisation, ce coffre a été remplacé par une cuve dans laquelle un bras mélange mécaniquement la pâte et qui a pris le nom de pétrin. Donc, nous avons ici une simple métaphore qui date de la fin du 18e siècle, le contenu du pétrin étant une matière pâteuse et collante dans laquelle il serait difficile de sortir si on tombait dans un très grand récipient qui en contiendrait. Le truc, mets de la farine. Ah. Donc, si t'es dans le pétrin, mets de la farine. Okay. Ça va être la nouvelle publicité. Au lieu de mettre de la crème, ça va être mettre de la farine. De la farine, ben oui. Donc, ce pétrin-là peut être utilisé avec bien d'autres verbes comme se mettre dans le pétrin ou se sortir du pétrin. Donc, c'est assez polyvalent. C'est-tu comme de la farine? C'est-tu comme... Will Ferrell, exactement. Non, c'est-tu comme... c'est le Proche-Orient puis le Moyen-Orient? C'est le Far West? Vu que t'as le Far In, peux-tu avoir le Prussian aussi? Il y en a qui est far, il est loin. Puis l'autre qui est proche. Ah. Ouais, c'est raté pas mal, ça, là. C'est pas grave. OK. Moi, être mal en point. Mal en point, comme seulement mauvais que tu me sacrais un coup de poing entre les sur la joue. Fait que tu me mets dans. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah. Quand tu veux me frapper, parce que je fais des mauvais gags. Mal, je suis mal en point. Point P-O-N-G. Pow. Ah, OK. Ouais. Non, quand même pas. Je vais pas te frapper. Non. Mais non. Juste te lancer des objets. OK. Donc, être mal en point, c'est être en mauvais état. OK. Donc, là, je vais essayer de pas lire des niaiseries. C'est bon de préciser. Bon, je vais lire le pareil. Ah, non, oui. Cette expression fait partie de celle qu'on prononce régulièrement sans se rendre compte qu'elle est assez étrange. Incroyable. Jusque-là, là, je... Hein? Ouais, oui. Je t'en mets plein la vue. Là, t'aurais pu dire ça à chaque à date, là. Ouf. Ben non. Ils sont tous étranges. Il y a tout le temps quelque chose d'étrange derrière. C'est le but de la chose. Non, il y en a qui sont plus clairs que d'autres. C'est là. Vrai, ça. Bon. En effet, si l'on n'est pas mal comprenant, on comprend très bien le qualificatif « mal » bien assorti au sens de l'expression. Comme un mâle. Non. Mais que vient donc faire ici ce point, au point de nous troubler? Ah ben. Pour le savoir, c'est un Français qui écrit ça. Oui, oui, « trou pis blé ». Ça, c'est... Troublé. Troublé, c'est pas la version HBO. Française. Ouais, c'est ça, c'est la version française de Troublé. J'ai failli l'avoir avant toi. Non! En français, ça s'appelle Troublé. J'ai gagné. Okay. Donc, pour le savoir, il faut se pencher sur une des acceptions. Hey, j'ai ça, dire ça, acception. Pour le savoir, il faut se pencher sur une des acceptions de ce mot qui désigne ici un état pour une chose susceptible de changer ou un degré. Donc, si vous vous demandez pourquoi, n'oubliez pas que sur une carte ou une courbe, le point matérialise une position. Or, un degré ou un état marque également une position, mais cette fois dans la plage des valeurs ou état possible. Ainsi, votre steak à point est à un certain degré de cuisson et lorsque vous ne progressez pas, vous en restez au même point dans l'échelle de votre progression potentielle. Donc, au 12e siècle, on avait déjà l'expression « M-buen point ».« M-buen point ». J'ai fait de l'embun point. Alors ça, c'est E-M, espace, B-O-E-N, espace, P-O-E-N-T. Évidemment. Espace. Espace. Pour en bon état et qui a donné en bon point. OK? Peut-être parce que jusqu'à un certain point, l'en bon point est un signe de bonne santé. À l'époque, là, quand t'avais pas les moyens de manger. Donc, c'est au 15e siècle qu'apparaissent les formes à la syntaxe bizarre bien en point, qui a disparu de notre vocabulaire, et notre mal en point, toujours très vivace. C'est ça. Ah, qui soit dit en passant, selon certains dictionnaires, prend des traits d'union. En bon point? Mal en point. OK, mal en point. En bon point, c'est tout d'un mot. OK, OK, ouais, ouais. Ah, ouais, eh ben. C'est ça. Mais quand même, tu parles de steak, là, ça serait plus, il me semble, jambon point. Jambon point. Ouais. Jambon point. Non, mais jambon point. C'est quand c'est un gros jambon. Ouais. Jambon point. C'est un non, jeu de je connais Jean Lapointe, mais pas jambon point. Jambon point. Il y a un point dans son nom, mais un maudit gros point, là, tu sais. Jean bon point. C'est un bon point. Un bon point. C'est signe ça, Jean point, puis il barbouille son point. Ah, il y a un bon point. Un bon point. C'est un bon point. Merci. Y mettre du sien. Y mettre du sien. Ce qu'on sait pas, ça, c'est. Ce qu'on sait pas, c'est que. C'est, on le prononce mal. C'est y mettre du sien. Comme dans le gars dans Dominique et Martin, là, chose Sion. Dominique Sion. C'est de faire vraiment une blague, comme vraiment de soit de poids. Ou d'œil de vitre, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est d'y mettre du sien. Okay. Ouais. En fait, c'est contribuer à favoriser quelque chose. Non, c'est pas vrai. C'est contribuer à quelque chose ou favoriser quelque chose. Il y avait un slash, t'as. Okay. Éventuellement faisant des sacrifices ou des concessions. Donc, dans son usage habituel, sien est un adjectif ou un pronom possessif. Ici, c'est un nom qui, au masculin singulier, n'est plus présent que dans notre locution, mais qui était utilisé depuis 1130, la date, là. Mais c'est parce qu'on dit pas ça souvent. Et non pas genre le bonbon, le 1130, ou l'adresse de la rue Royale, 1130, oui, oui. Ou juste la quantité, tu sais, 1130. Le 1130 millilitres, ml. En tout cas, et désigner son bien sa propriété. D'ailleurs, au début du 16e siècle, y mettre du sien voulait dire y mettre son argent, tout comme y être du sien voulait dire en être de sa poche. Donc, c'est à partir de la fin du 17e siècle que l'expression naît avec son sens actuel, en sous-entendant systématiquement la notion de sacrifice ou de concession. En concédant quelque chose, on pouvait considérer y laisser une partie de son bien, connotation qui n'est plus obligatoire aujourd'hui. Ensuite, j'en ai un extrêmement long que je vais passer. OK. Parce que ça, vu qu'il est long... Tu vas le distribuer, tu vas passer des pamphlets, tu vas le distribuer à tout le monde. OK. Plus des dépliants, parce que je fais pas vraiment de... Je me lève pas contre le gouvernement à distribuer des petits messages. Ah, OK, OK. La différence entre pamphlets et dépliants. Okay. Un procès d'intention. Ben ça, c'est un procès où les choses sont vraiment, vraiment ardues. C'est donc un procès d'intention. Tension, tu peux couper Étention. La tension. Ou c'est. Ouais, c'est ça. C'est un procès d'intention. En fait, ça vient de la chanson de Daniel Lavoie, Tension, attention. Attention. Attention. Ouais. Donc, un procès de tension-attention. C'est une accusation ou critique portant non pas sur des actes, mais sur des intentions supposées. Donc, une accusation qui est injuste ou insuffisamment fondée. Donc, un procès, un mot venu indirectement du latin « procedere », qui a aussi donné « processus ». Chacun sait ce que c'est lorsqu'il se déroule en présence d'un juge et qu'il a pour but de désigner laquelle des parties est le meilleur avocat. Mais au figuré et depuis le 15e siècle, c'est aussi une critique, une mise en cause de quelqu'un, sens qui est celui qu'on trouve dans notre expression. Donc, quant à l'intention, elle ne se matérialise pas toujours par un acte. Si on a le droit de juger quelqu'un sur les actes qu'il commet lorsqu'ils sont répréhensibles, peut-on le faire sur ses seules intentions exprimées ou supposées tant qu'il n'est pas passé à l'acte? Donc, autrement dit, peut-on l'accuser, le critiquer sur la simple base de ses intentions? Peut-on lui faire procès d'intention au risque d'être profondément injuste? Donc, cette expression semble n'être attestée qu'à partir du début du 19e siècle, ce qui est quand même assez récent. Et c'est tout. C'est tout? Déjà. Ben non, ben oui. Non. Ben, ça, j'ai skippé le gros long. Ouais, mais... là, je suis tout sûr, là, moi, là, j'aurais aimé, moi, le long. Là. Tu te lises le long? Le long, ouais, lis-moi. Je sais pas ce que ça va donner, par exemple. Non, non, je suis prêt à prendre, comment dire, les conséquences de mes actes que je te fais faire. De tes actes. Je prends les conséquences de tes actes. OK, c'est parfait. Un procès d'intention, OK. Oui, hein? Je sais pas. OK, donc, une planche de salut. une planche de salut. Je sais pas trop. Ça, c'est quand tu veux... Tu prends des mains qui font bye-bye, t'es chop en petit carré, en petit dé. C'est une planche de salut. T'as besoin d'une planche pour couper des saluts. OK, puis là, tu te fais un smoothie ou un petit sauté. Un smoothie. C'est le mélange entre un sauté et un smoothie. Vas-y. Donc, une planche de salut, c'est le dernier moyen. C'est de trouver, utiliser un moyen qui permet d'échapper à un très grave ennui ou à une catastrophe. OK. D'accord. Donc, il paraît évident, en première lecture, que notre salut n'a rien à voir avec celui du gladiateur dans l'arène face à César ou à celui du militaire face à son supérieur. C'est la première fois que je me disais, ouais. Hein? Je dis presque parce que le salut ainsi cité dérive quand même du salut qui nous intéresse. Donc, quand ouais. Même, tu sais, j'imagine que ça a lien avec, tu sais, la Ave César. Là. Oui, Ave César, salut, là. Yo, man, bro! Yo, man, bro, Caesar! C'est ça. Caesar, my Caesar. En effet, le mot salut nous vient du latin salutem, accusatif de salus ou salutis, qui désignait quelque chose en bon état, en bonne santé, entier. Donc, il a aussi signifié vie par opposition à mort. Donc, le salut correspond donc d'abord à ce qui permet de conserver le bon état, l'intégrité de quelque chose, de quelqu'un ou indirectement de le sauver. Ce qui nous permet de comprendre qu'une planche de salut, c'est en premier lieu une planche qui permet à quelqu'un de rester en vie. Donc, étant donné que salut vient aussi de vie. Et des planches comme ça, si ça ne court pas les rues, on les trouve aisément en mer lorsqu'un naufragé sauve sa vie en s'accrochant à des planches venues de la structure de son bateau qui viennent couler. Ouais. Sauf si Kate Winslet est déjà couchée sur la planche, t'es faite. Trop grosse. Elle te toune. C'est bien de cette image du naufragé que nous vient la première expression au début du 19e siècle, à la suite du mot planche tout seul qui, depuis le 16e siècle, avait le même sens figuré. Par extension de planche de salut, c'est plus généralement un moyen d'échapper à une catastrophe et de rester en vie. Et quand on n'est pas en mer et qu'on n'a pas de planche à portée de main, il existe des situations où il est quand même très utile de trouver un moyen d'échapper à la mort, donc de trouver son salut, que ce soit face à un animal agressif, auquel cas on peut trouver son salut dans la fuite, ou acculé à un mur face à un jeune sauvageon armé d'un couteau, auquel cas on peut tenter de trouver son salut dans l'attaque surprise. C'est tellement nécessaire de préciser ça. Ouais. Maintenant que l'origine des deux expressions est limpide, revenons un court moment à notre autre acception du mot salut. Encore le mot acception. Ah, j'haïs ça, dire ça. Cet article n'y fait pas exception. Vous ne le saviez peut-être pas, mais au vu de l'origine du mot, lorsque vous saluez quelqu'un, vous lui souhaitez en fait de rester en vie. Ah, c'est fin. Ou de garder une bonne santé. Mais ce sens initial étant généralement oublié, le salut est simplement vu comme une marque de politesse, de respect ou de déférence, telle qu'on la retrouve dans le salut militaire. Donc on peut dire salut même à quelqu'un qu'on veut voir mourir. Donc, si on revient au début et au gladiateur qui disait salut à César, ou l'inverse, c'est j'aimerais ça rester en vie, man! S'il te plaît! Voilà! Génial! Ben, Colin, Steph, puis en même temps, j'ai pris le temps de regarder, voir, parce que je me demandais s'il y avait quelque chose, tu sais, si je me demandais si ça avait déjà été fait, le jeu de mots des Caesar Sisters. Et ah, oui, il y a un band qui s'appelle apparemment demain. Ah! C'est le fun, hein? Ah! Ouais. Intéressant. Les Caesar Sisters. En tout cas, merci, Steph. Ça me fait plaisir. On fait sa plus simple expression tous les lundis matins. Habituellement à 9h. Ouais, mais écoute, des fois, il arrive des choses dans la vie que tu sais, Colin. C'est ça, c'est ça. Et on va se quitter avec justement les Caesar Sisters et leur pièce I Do. Puis, I ça. W? I Do, juste I Do. Oh. Juste pour voir, juste pour voir. Yeah, yeah, yeah. Ça va être un genre de band a cappella. Hein. Gospel. Insupportable. On se quitte avec la place Big Brother de... Non, c'est pas Big Brother. C'est Bigfoot de Brother Octopus. C'est ça. Ah ouais. Pas la même chose. Mélanger les deux. Merci, Steph. Saw Bigfoot in the yard last night, although no one believes me. Bigfoot de Brother Octopus à Assemblage Requis. Retour à un deuxième segment de C'est un fait à Assemblage Requis. Ça, c'est fou. Puis Mike Tissier. Mathieu Blanc. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes fou de Mathieu Plante, je pense que oui, en effet, c'est un problème psychologique que vous avez. Bon, retour à Assemblage requis, alors ce lundi 2 février 2015, je m'appelle Mathieu Plante, Stéphanie Paradis au congé pour le reste de l'émission, au moins elle a fait la première partie de l'émission. C'est fou quand même, encourager ce comportement, c'est parfait, j'adore. Donc, tantôt on va faire, c'est un fait, deuxième partie, mais avant ça, pour ceux qui sont vraiment obsédés, fous de Mathieu Plante, je vous encourage à continuer sur cette voie avec OK Go et Obsession, hein? C'est bon ça? T'as le droit. So quick, juge pas trop ça. A movement so slight, you could almost imagine it didn't just happen. But everything will change in just one look, one little glance. It's not passing fascination now, it's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. OK Go et Obsession à Assemblage requis. C'est le moment de retourner aux choses qui sont vraies. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la colonne des choses vraies qui dit que véritable et vérifiable. Oui, c'est encore pire quand je chante seul. Commençons avec Jacqueline H. Lucas qui a menti, en passant, même s'il s'appelle Jacqueline, c'est un homme. Donc, Jacqueline H. Lucas, qui a menti au sujet de son âge pour rejoindre les Marines lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il a sauté sur deux grenades, il a survécu. Il a joint les Airborne. Il a survécu à un saut d'entraînement quand les deux parachutes ne se sont pas déployés. Il a vécu jusqu'à l'âge de 80 ans. Il avait 14 ans quand il s'est inscrit dans l'armée. Il est devenu le plus jeune Marine à recevoir la médaille d'honneur. Il avait seulement 14 ans quand il s'est inscrit dans l'armée. Puis il a reçu cette médaille-là pour ses actions héroïques pendant les deux campagnes à Iwo Jima. Ah, voilà. L'inventeur du cubicule de bureau, vous connaissez, vous aimez ou vous détestez les cubicules dans les bureaux. L'homme qui a inventé ça a cru bon de spécifier plus tard, et je cite, « La cubiculisation des gens dans les corporations modernes est une vraie folie, une insanité monolithique. » C'est ce qu'il a dit après avoir lui-même inventé ça. Pendant qu'il filmait le film Super Mario Brothers, vous savez peut-être qu'il y a un film de Super Mario et que c'est pas vraiment un film à recommander pour les amateurs de Mario, ni pour les amateurs de cinéma, finalement. Bob Hoskins, qui jouait Mario, et John Leguizamo, qui jouait Luigi, étaient tellement malheureux lorsqu'ils travaillaient sur ce film-là, alors qu'ils savaient très bien que c'était un mauvais film, que souvent ils se saoulaient juste pour pouvoir filmer leur scène et survivre à travers ça. Donc le film de Super Mario... c'est vraiment pas très bon. Super Mario Movie, là, mais sur Wikipédia, ça va nous dire l'année, hein, peut-être. Sorti en 1990 quelque chose, attention, 93. Magnifique. Le jour du poisson d'avril en 1976, la BBC a convaincu ses auditeurs, ou en tout cas plusieurs auditeurs, qu'un alignement spécial des planètes allait temporairement descendre la gravité sur Terre. Les lignes téléphoniques ne dérougissaient plus d'auditeurs qui croyaient ressentir les effets du manque de gravité. Donc c'était en 1976. Eux aussi qui avaient fait une blague par rapport à du spaghetti. On se rappelle, c'était en 1957 que la BBC avait diffusé un segment du poisson d'avril montrant une famille faire la moisson du spaghetti dans l'arbre à spaghetti de la famille. Ça, c'était à la télé. Quand les téléspectateurs ont demandé comment ils pouvaient faire pousser leur propre arbre à spaghetti, on leur a dit de placer du spaghetti dans une canne de sauce tomate et d'espérer pour le mieux. vous connaissez J.K. Rowling, c'est l'auteur de Harry Potter. Elle a écrit à Natalie McDonald, une jeune patiente atteinte de leucémie. Elle lui a donné la fin du Goblet of Fire un an avant la sortie du livre. Elle est morte, par contre, la jeune Natalie McDonald, avant d'avoir pu lire le courriel. Donc, Rowling a nommé un personnage en son honneur dans le livre. Un personnage qui était classé dans Gryffindor. J'ai aucune idée des termes en français. Deux adolescents ont attiré de multiples pédophiles en ligne en faisant semblant d'être une jeune fille de 15 ans, seulement pour se présenter à l'endroit où ils étaient supposés rencontrer les pédophiles déguisés en Batman et en The Flash pour les enregistrer sur vidéo. Un genre de caught on camera ou une... To Catch a Predator, l'émission de NBC News qui attirait les pédophiles, ce que évidemment TVA a reproduit plus récemment. L'endroit exact où sont situés les plus vieux et les plus grands arbres du monde sont gardés top secret pour éviter les foules de touristes qui pourraient endommager les arbres et les environnements, tout ce qui environne, tout ce qui tourne autour de ces arbres-là. Donc il y a seulement certains scientifiques dans le monde qui connaissent où sont les plus gros et les plus vieux arbres sur Terre. Les cours de la Nouvelle-Zélande ont permis à un jeune enfant d'être nommé Number 16 Bus Shelter. Donc, Abribus numéro 16, c'est le nom officiellement d'un enfant en Nouvelle-Zélande. Une blague commune dans les années 1800, c'était de passer un petit peu de ficelle à travers une de prendre une bobine de ficelle, passer le bout de la ficelle à travers la couture d'un vêtement et demander à un étranger d'essayer de tirer sur le fil parce que t'es pas capable de l'enlever. T'sais, ah, maudit, j'ai un fil, pourrais-tu essayer de tirer dessus? Et là, la bobine de fil se défaisait, plus on tirait dessus. Et Colin, tout le monde riait puis se tapait ses cuisses. Les ancêtres de Juste pour rire les gags. Hein. Un bonhomme Lego de 8 pieds de haut nommé Ego Leonard. Vous connaissez, vous comprenez le jeu de mots entre Ego Leonard ou encore El Ego. Hein, voilà. Mystérieusement, a été trouvé sur des plages partout dans le monde depuis 2007. Ego Leonard a toujours la phrase « No real than you are » sur sa poitrine. Donc, c'est du mauvais anglais, mais pas plus réel que vous sur sa poitrine. Il fait 8 pieds de haut. Donc, c'est un peintre hollandais et un sculpteur hollandais et possiblement un artiste un petit peu dérangé, mais peut-être pas dérangé, mais au moins qui veut déranger, qui veut créer la controverse. Donc, c'est ça, c'est des figurines Lego grandeur plus que nature par rapport aux humains. Des fois, son nom est aussi appliqué à la sculpture, donc fait par Léonard aussi. Et elle s'est trouvée sur des plages à différents endroits du monde depuis la fin des années 2000. Le contraire d'ambidextre, c'est ambisinistre. C'est être maladroit des deux mains. Ouais, là, c'est être bon des deux mains. Un homme a rénové un hôtel de 3 étages spécifiquement pour tuer des gens. Il y avait des escaliers qui menaient nulle part et ensuite un labyrinthe de plus de 100 pièces sans fenêtres. Bon, 100 pièces mais qui n'ont pas de fenêtres. Et on dit qu'il a tué jusqu'à 200 personnes dans cet hôtel-là. Les squelettes de ses victimes étaient ensuite vendus à des écoles médicales. Des écoles de médecine. Son nom, c'est H.H. Holmes et on croyait que c'était le Jack the Ripper. Parce qu'il était à Londres exactement en même temps, il était aussi un professionnel médical. Il est allé à une école médicale de médecine pour apprendre à tuer les gens. Il était vraiment très épeurant. Il y a Supernatural, l'émission surnaturelle qui a fait un épisode à son sujet, quand même assez épeurant. Et son documentaire sur cet homme-là est sur Netflix. Le G des Green Bay Packers sur le casque des Green Bay Packers ne veut pas dire Green Bay. Ça veut dire greatness, grandeur, quelque chose d'incroyable. Donc le G des Green Bay Packers sur leur casque. Les propriétaires des métros de Beijing ont commencé à offrir à leurs passagers la capacité, la possibilité de payer leurs billets de métro avec des bouteilles de plastique, aidant donc à sauver l'environnement et à aider, bien sûr, les finances de leurs voyageurs. Ça, c'est penser vert, comme on dit, mais pas comme Green Bay, comme greatness. Si un enfant veut quelque chose assez fort, ils peuvent momentanément oublier la grosseur, la grandeur de leur corps comparée à d'autres objets. On appelle ça « scale error », donc une erreur d'échelle, si on veut. Donc, ça va faire qu'ils vont penser qu'ils peuvent, entre autres, entrer dans des voitures jouets. Des voitures qui sont clairement beaucoup trop petites pour eux. Donc, en psychologie du développement, une erreur d'échelle est quand même un essai sérieux fait par un enfant pour performer une tâche qui serait évidemment clairement impossible étant donné la différence de grandeur extrême entre les deux objets. Par exemple, ça pourrait être un enfant qui essaierait de descendre ou d'essayer de monter, de descendre ensuite sur une échelle, une glissade. Une glissoire qui est clairement trop petite pour lui. Des feuilles d'érable frites. C'est une collation automnale au Japon, assez populaire. La collation qui est spécialisée à Osaka au Japon, c'est fait en faisant frire des feuilles d'érable japonaises dans du tempura. Miam, hein? Ça a l'air bon. Évidemment, c'est ça, l'article dit, je me demande comment c'est que ça n'a pas encore été essayé au Canada. Ça devrait venir un jour, éventuellement, peut-être chez Tim Hortons, on va pouvoir commander une petite boîte de feuilles d'érable panées. Johnny Depp, Jude Law et Colin Farrell ont donné leur salaire du film The Imaginarium of Dr. Parnassus, qui date de 2009, à la fille de Heath Ledger, Matilda, pour que son futur économique soit assuré. C'était le dernier film de Heath Ledger avant sa mort. Donc, The Imaginarium of Dr. Parnassus. Il y a une tribu qui n'a jamais été contactée au Brésil. Il y a un seul membre survivant. On dit que c'est la personne la plus isolée sur Terre et il maintient ce statut-là en tirant sur tous les gens qui essaient de le déranger. Donc une tribu sans aucun contact au Brésil. Ne pas aimer ou être vraiment dérangé lorsque quelqu'un... lorsque t'entends quelqu'un manger loin de toi, peut-être même pas loin de toi, proche de toi aussi, mais t'entends quelqu'un manger sapé un peu, t'entends ses bouchées, une personne spécifique, ça s'appelle la misophonie. On appelle ça aussi Selective Sound Sensitivity Syndrome, donc le syndrome de la sensibilité à un son sélectionné ou sélectif, genre que tu focuses vraiment sur une seule personne. Misophonie. C'est drôle aussi que misophonie, on dirait un mauvais gag asiatique. Michael Caine est devenu acteur parce que toutes les filles les plus jolies de son école, étaient en cours d'art dramatique. Donc Michael Caine, vous connaissez l'acteur Michael Caine, connu pour plusieurs rôles. Bien sûr, IMDb va certainement clarifier dans quel film je pourrais l'avoir vu, Michael Caine. Hein? Est-ce que je pourrais l'avoir vu dans The Dark Knight? Dans Batman Begins? Dans Le Prestige? Dans Inception? Peut-être. Les hommes, apparemment, selon une étude, les hommes voient la femme moyenne comme étant moyenne, alors que les femmes voient l'homme moyen comme étant en dessous de la moyenne. Donc, tu sais, mettons, les gens comme, mettons, en dessous de la moyenne, hein, ont peut-être l'air clairement vraiment loin en dessous de la moyenne, je sais pas. Il y a une ville en dessous d'un lac en Italie, et le clocher de l'église peut être vu au-dessus de la surface. Et si vous allez sur assemblagerequis.com, vous allez voir de quoi la ville avait l'air avant. Et on peut voir que maintenant, on voit seulement le clocher dépasser. C'est un lac célèbre en Italie. Et en réalité, les cloches ont été enlevées de la tour le 18 juillet 1950, une semaine avant la démolition de la démolition de l'église et la création du lac. Ah ben. Pardon. Un prisonnier de guerre canin nommé Judy a protégé ses collègues, ses amis qui étaient aussi prisonniers d'attaques des gardes. Donc, d'attaques dans le fond, les gens se faisaient battre par les gardes et le chien attaquait lui. Ben, en fait, elle, les gardes. Cette chienne-là a reçu une sentence à mort pour mauvais comportement. Judy s'est cachée dans la jungle de Sumatra et améliorait sa diète avec quelques serpents et des singes. À la fin de la guerre, elle a reçu la médaille Deakin pour bravoure. Donc, c'est la chienne Judy. Selon un sondage japonais de l'an 2000, les Japonais croient que leur meilleure invention du 20e siècle, c'est les nouilles instantanées. Je peux pas dire que je suis en désaccord avec ça. Une organisation nommée Cuddle Party qui va faire des cuddle parties, donc des parties, des petites fêtes de câlins où on peut se câliner, la câliner des étrangers et se faire de nouveaux amis. Hein? Les règles. Il faut absolument tenir compte des règles. Il faut arriver à temps. Pas de drogue, pas d'alcool, point final. T'es pas obligé de câliner quelqu'un si t'en as pas envie. Il faut que tu demandes la permission et avoir un oui verbal avant de toucher quelqu'un. Si tu réponds oui à une demande et tu dis oui, et si tu veux dire non, faut que tu dises non. Il y a pas de « Ah, espignée, peut-être que ben, si tu... » Non, c'est oui ou c'est non. On t'encourage de changer d'idée. Donc si vraiment t'as plus envie, tu peux le dire. Il faut respecter les accords et communiquer avec son partenaire. Si t'as besoin d'assistance, tu peux aller chercher un cuddle assistant, un assistant au câlin. Les larmes et les rires sont bienvenus. Il faut respecter la vie privée des gens aux cuddle parties et il faut garder l'endroit très très propre. Il faut visiter si vous voulez faire votre propre cuddle party. C'est cuddleparty.com, C-U-D-D-L-E, party.com. Robert Samuel est un professional stander, donc un gars qui se tient debout, mais professionnellement. Il se fait 1000$ par semaine de dollars américains en restant debout en file pour les gens. Donc les gens vont le payer 1000$. Pas 1000$, pardon, il fait 1000$ par semaine en tout. Donc les gens le payent pour rester en ligne. Donc Robert Samuel, qui est le fondateur de Sold Inc. à New York. C'est donc un professional line stander. Il peut attendre pour tout, que ce soit des lancements d'iPhone, des billets pour Saturday Night Live. Il charge $25 américains pour la première heure et $10 pour chaque heure additionnelle, chaque demi-heure additionnelle, pardon. En une semaine, il peut faire, comme on disait, $1000 américains. Et c'est pas tous les clients de Samuel qui sont riches. Il y a des gens de tous les jours, des gens qui peuvent pas s'absenter du travail trop longtemps pour une première de film, pour acheter un billet pour une première de film, ou quelqu'un dans l'Upper East Side qui veut vraiment une nouvelle Xbox, mais qui veut pas attendre en ligne pendant 7 heures de temps pour avoir sa Xbox One. Donc voilà, tout un mélange de gens. En 1976, Sesame Street a diffusé un épisode qui a tellement fait peur aux enfants qu'ils ont juré qu'ils ne répéteraient jamais l'épisode, et ils ne l'ont toujours pas répété. C'était le 10 février 1976, Sesame Street, épisode 847, mettant en vedette Margaret Hamilton, qui reprenait son rôle de la méchante sorcière Wicked Witch of the West dans le film classique de 1939, The Wizard of Oz. Un grand nombre de plaintes par rapport à l'épisode ont eu lieu dans une courte période de temps. Plusieurs parents disaient que leurs enfants criaient et pleuraient. Ils avaient peur de la sorcière. Même si l'épisode a été diffusé, il y a très peu de chances que le public va revoir cet épisode-là, surtout particulièrement parce que l'épisode a été détruit par peur qu'on le rediffuse par erreur, donc on a détruit les bobines. Selon une autre étude, 84% des végétariens et des végétaliens vont retourner à la viande éventuellement. 84% des gens. Les convictions, ça se change, on dirait. Le chocolat de Hershey, on ajoute de la saveur, c'est de l'acide butyrique pour que ça goûte un petit peu plus surette. Et c'est selon les visiteurs, les gens qui viennent de d'autres pays, c'est ce qui donne l'arôme de vomi. C'est apparemment la même chose qu'on retrouve dans le vomi. Donc les gens qui sont pas accoutumés au chocolat américain vont souvent comparer le goût du chocolat Hershey à du goût de vomi. C'est à cause de l'acide butyrique. Moi, le chocolat Hershey, pas sûr. Hein. Ça dépend, là, mais les Hershey's Kisses, là, ou les affaires qui sont marquées chocolaté dessus au lieu d'être chocolat, je ne fais pas confiance. À chaque fois qu'on brasse un paquet de cartes, c'est un ordre unique de cartes qu'on crée, un ordre de cartes qui n'a jamais existé avant. Si les 6 milliards de personnes sur Terre commençaient à brasser un paquet de cartes une fois par seconde pendant les 100 milliards de prochaines années, on ne serait même pas proche de compléter toutes les combinaisons de cartes possibles. Imaginez 6 milliards de personnes, une fois par seconde pendant 100 milliards d'années, on n'aurait pas toutes les combinaisons possibles des paquets de cartes. Incroyable. Et finalement, il y a une condition neurologique qui s'appelle Witzel-Sucht. Witzel-Sucht, W-I-T-Z-E-L-S-U-C-H-T, qui fait que la personne affectée va constamment faire des jeux de mots, des blagues et des commentaires sexuels dans des environnements inappropriés. Je sais pas si je suis atteint de ça, mais clairement, c'est ce que je fais, c'est ma profession. Donc, Witzel-Sucht, condition neurologique. C'est dans le cerveau que ça se passe, c'est même pas de notre faute. On peut pas nous blâmer pour ça, là. J'ai rien à voir avec ça, là. Donc c'est de l'allemand qui veut dire « joking addiction », donc être accro aux blagues. Ça vient de l'allemand « witzeln », qui veut dire « blague », et « sucht », qui veut dire « accro », bref, « addict ». C'est donc des symptômes neurologiques rares caractérisés par la tendance à faire des jeux de mots ou de raconter des blagues inappropriées ou des histoires qui n'ont pas de but dans des situations qui sont socialement inappropriées. W-I-T-Z-E-L-S-U-C-H. Voilà, c'est tout pour un deuxième bloc de « C'est un fait » pour aujourd'hui. Les liens sur assemblagerequis.com. Vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce lundi matin. On continue avec une pièce que ça fait un petit bout qu'on n'a pas entendu. C'est Machine Géante et Veuve Noire. On écoute ça à l'instant sur Assemblage Requis au 89 FM. Yeah. Muffin Stone et Knock You From Your Mountain à Assemblage Requis. Je suis en train de vous préparer un petit son foutu palmarès qu'on va faire au retour de la pause. On va aussi peut-être écouter un petit peu de musique du palmarès, mais d'autres pièces qu'on connaît moins dans le poste d'écoute dans quelques instants. À Assemblage Requis. Ça, c'est fou. C'est le 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante, c'est Pays Paradis. Elle va être de retour demain, bien sûr. Maintenant, tiens, assez écouté de musique. On a mis deux de fil avant la pause. Là, ça va faire, ça va faire. On va continuer pas mal avec du contenu. Je vais essayer, en tout cas. Je vais essayer de vous faire quelques listes. Voici son foutu palmarès. C'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet bien précis. Et aujourd'hui, ben, c'est la liste de conseils pour rester au chaud l'hiver alors qu'il fait très froid. Hein? C'est pas une bonne idée, ça. Avec ces trucs-là, vous allez pouvoir rester bien au chaud. On va commencer par la base pour la mettre de côté tout de suite. De vous réchauffer vous-même en premier. Hein? C'est plus facile de changer la température de votre corps que la température d'une pièce. Évidemment, c'est beaucoup mieux pour la nature aussi, pour l'environnement. Donc, à la place d'augmenter le chauffage, on pourrait essayer de rajouter des vêtements. Ça, je pense que c'est assez basic comme petit conseil. Le deuxième est de porter un chapeau. Celui-là, donc, votre mère, peut-être, ou vos parents vous ont peut-être dit que vous perdez 80% de la chaleur de votre corps via votre tête, mais c'est pas complètement vrai. Si t'es bien habillé, en fait, si t'es habillé, tu vas perdre la chaleur quand même de n'importe quelle surface qui est exposée. Donc, il faut mettre ton chapeau, même si t'es à l'intérieur, même si tu perds pas 80% de ta chaleur corporelle, reste que tu peux porter ton chapeau même à l'intérieur. Ensuite, d'allumer le ventilateur, ben, la fan qui est sur le plafond. Donc, l'air chaud qui monte, qui va vers le plafond. Donc, tu mets ton ventilateur à son paramètre le plus faible en direction de l'horloge, donc dans le sens des aiguilles, pour pousser l'air chaud vers le bas. Donc, elle va monter et le ventilateur va pousser l'air chaud vers le bas pour que vous puissiez la sentir. Ensuite, on nous dit de passer de l'eau chaude à l'eau froide dans la douche. Les douches chaudes, vont immédiatement vous réchauffer, mais les douches froides vont améliorer la circulation sanguine entre la peau et les différents organes. Donc, les douches froides qui ont aussi une corrélation avec un meilleur système immunitaire. Donc, changer entre la température chaude et la température froide. Ensuite, on nous suggère de bloquer les courants d'air en dessous de votre porte avec une nouille pour la piscine. Donc, pour garder l'air chaud à l'intérieur et l'air froid à l'extérieur, vous coupez une nouille de piscine en deux, vous la coupez sur le côté de sa longueur, dans le fond. Vous allez l'envelopper dans du tissu. Vous allez glisser ça sous la porte. Ça va rester là tout l'hiver et vous allez pouvoir ouvrir et fermer la porte quand même, à moins que vous ayez du tapis. Vous allez pouvoir l'utiliser ensuite à la piscine l'été. Hein? C'est pas génial, ça? Probablement que vous devriez en acheter une autre. Vous l'avez quand même coupé sur son sens. Vous allez juste faire une tranchée dans votre nouille. Ensuite, un thermostat programmable. Assez évident aussi, mais quand même pour rester chaud, au chaud quand vous êtes à la maison et le reste du temps rester un petit peu plus froid, ça dérange pas. Donc voilà. Vous pouvez aussi, évidemment, acheter vos thermostats intelligents 2015. Là, c'est bien à la mode. Ensuite, c'est pas tout le monde qui a accès à l'ajustement de son thermostat dans un appartement ou encore dans un bureau. Souvent, dans un bureau, vous allez avoir votre thermostat bloqué par une clé, seulement pour les concierges. Si c'est le cas, vous pourriez lui faire penser à ce thermostat-là que la pièce est plus froide qu'elle est vraiment, en mettant de la glace proche du thermostat. Le thermostat va penser, va être trompé à penser qu'il fait plus froid et va donc augmenter la chaleur. Ensuite, d'habiller vos fenêtres avec des vêtements un petit peu plus chauds. Hein? Donc vous-même, vous portez des vêtements plus chauds l'hiver, vos fenêtres peuvent faire la même affaire. Remplacez vos rideaux minces par des rideaux de laine ou des rideaux de d'autres matériaux qui sont un petit peu plus épais. Et bien sûr, ouvrir les rideaux lorsqu'il fait plus chaud pour faire entrer la chaleur, le soleil. Faites de la cuisine toute la journée, tiens. Donc utilisez votre four qui va évidemment réchauffer le reste de votre maison. Faites inviter des amis, utilisez leur chaleur corporelle aussi. On sait quand il y a beaucoup de gens dans un appartement, il se met à faire chaud. Vous allez pouvoir faire des petits biscuits en plus, c'est bon. Commencez à faire du compost, tiens. Si vous êtes déjà intéressé par le compost, une autre bonne raison pour en faire. C'est les matériaux, tout ce qui est organique, ça va se défaire et ça va produire de la chaleur. Certains gens utilisent ça pour réchauffer leur douche et même leur serre. Des petits appartements aussi pourraient bénéficier de tout ça. Ça pourrait faire une bonne différence dans des appartements style studio, 1,5 ou 2,5, genre. Ensuite, on met les couvertures dans un ordre particulier avec les couvertures plus, je sais même pas comment trouver le mot, plus épaisses, tiens, qui vont aller sur le dessus, hein? Donc, les couvertures plus fluffy devraient être plus proches de votre peau et les couvertures plus lourdes doivent être sur le dessus pour empêcher de perdre la chaleur. Et aussi, on dit de ne pas mettre votre lit directement sur un mur extérieur. Ah, quand même, mon lit est exactement sur un mur extérieur. Vous allez avoir plus chaud si vous laissez un petit peu d'espace entre le mur et votre lit. Et finalement, de remplir vos poches de manteau avec des hand warmers, donc des réchauffements qui sont faits à la main, que vous avez fait vous-même. Vous pouvez acheter évidemment vos hand warmers, mais vous allez être beaucoup plus fiers de vous si vous les faites à la maison avec deux sacs Ziploc, de l'eau et calcium chloride, chlorure, j'imagine, de calcium que vous allez pouvoir acheter dans un magasin d'outils, genre, si on veut. Donc, le lien vers les conseils sur assemblagerequis.com, surtout le lien pour fabriquer votre propre hand warmer en 5 minutes. Ça a pas l'air trop compliqué, quand même. Des petites pilules de chlorure de calcium qu'on met dans un sac Ziploc avec de l'eau. Voilà. Un grand sac Ziploc. Voilà pour la liste des choses à faire pour rester plus au chaud. Maintenant, continuons avec 6 façons que les enfants utilisaient pour s'amuser dans la neige, ou plutôt les jours de neige il y a 100 ans. Quand même, hein, on prend jamais ses temps libres pour acquis. Dans les années 1910, c'était commun de faire travailler les enfants. Donc, les temps libres, c'était un luxe que la plupart des enfants ne pouvaient pas se permettre. Mais quand même, il y avait des façons de se divertir. Lorsqu'il neigeait trop, qu'ils pouvaient rester à la maison, donc leur récréation, si on veut. Plusieurs options de divertissement disponibles à l'époque, dans les années 1910. Pour commencer, dans les années 1910, les sleds sont devenus une genre de folie nationale. 2000 étaient vendus quotidiennement en décembre 1915 seulement. Donc des sleds, c'est des genres de trucs sur lesquels on peut glisser. On connaît ça quand même. Donc c'était un passe-temps à la mode à ce moment-là. Il y avait des compétitions aussi de ça. Ensuite, de se faire du chocolat chaud, hein, avant les micro-ondes, avant les poudres tout incluses de chocolat chaud. Faire des breuvages chocolatés chauds, ça prenait beaucoup plus de temps. Donc les recettes, c'est de faire bouillir des coquilles de cacao ou des grains de cacao. Un processus qui prenait plus d'une heure. Ensuite, jouer au Ice Barrel Ball. Donc, on imagine le hockey et le basketball s'il y avait un enfant, beaucoup moins violent. Donc, les matchs se passaient à l'extérieur sur une patinoire avec 5 joueurs dans chaque équipe. Les deux côtés avaient un baril à l'intérieur duquel l'équipe opposée allait essayer de lancer une balle tout en patinant. Les conditions étaient évidemment glissantes, donc c'était impossible de dribbler comme au basketball. Donc, on pouvait traîner le ballon dans ses mains. Et si l'adversaire taguait la personne qui avait le ballon, les règles disaient qu'il devait le lancer immédiatement. Donc, le tackling, le shoving et d'autres formes de combat, de se battre, c'était pénalisé. Il y avait des pénalités pour ça. Ensuite, on jouait au Rook dans les années 1910. On parle encore des jours de neige, les jours de vacances, les passe-temps que les jeunes avaient dans les années 1910. Donc, au début des années 1900, certains groupes religieux n'aimaient pas les jeux de cartes. il était pas d'accord avec les jeux de cartes. Donc pour pouvoir continuer de jouer aux cartes et sans que ce soit immoral, Parker Brothers a amené ce qu'on appelait le Rook, R-O-O-K, en 1906. Il n'y avait pas les cartes de roi, reine, valet, les cartes de face. Et donc, c'était pas aussi parfait pour le gambling. Donc ça faisait que les gens pouvaient pas gambler parce qu'il y avait pas les suites avec les faces, les personnages. Donc leur nouveau jeu est devenu à la mode, devenu populaire dans les familles, et leur publicité disait que c'était un délice des soirées d'hiver. Donc The Delight of Winter Evenings. Ensuite, Lion Hunting, la chasse au lion. C'est une chasse stratégique. Donc on avait un imitateur de lion, donc une personne qui jouait le lion qui s'enfuyait dans la forêt. Donc là où il y a des arbres, évidemment, on se cachait derrière les arbres. On laissait des petits grains de maïs en route. Le chasseur devait chasser le lion et lancer des boules de neige pour essayer d'éliminer les autres. Donc c'était aussi, il y a aussi une version plus pour les jours d'été qu'on jouait avec des balles de tennis. Donc on se lançait des balles de tennis pour essayer de chasser le lion. Mais l'hiver, c'est avec des boules de neige. Et finalement, on retournait à l'intérieur pour un petit peu de double domino, donc des planches de bois, un petit peu d'équipement, genre de drill et une balle de caoutchouc. C'était tout ce dont on avait besoin pour ce petit sport. Donc, on faisait des trous dans une planche, on la faisait tenir debout, on se reculait, et on essayait de faire rebondir la balle sur le plancher et passer à travers les trous qui venaient d'être faits dans une planche. C'était un amusement instantané. Une planche avec des trous dedans, puis on lançait une balle dans le trou. On se divertissait avec pas grand-chose dans les années 1900 et 1910. Donc, c'est ce que les enfants faisaient il y a 100 ans environ, les jours de neige. Voilà pour cette partie de son foutu palmarès. Évidemment, comme on a parlé d'hiver, on n'a pas le choix de faire jouer Summerland. C'est ce que je fais à chaque fois. Summerland, encore loin de toi. 89 FM, c'est fou. Je tombe haut dans les airs. C'était With Your Gloves par Coco Méliès, précédé de Summerland avec Encore Loin de Toi à Assemblage Requis. On était en plein milieu de son foutu palmarès tantôt, retournons-y, il reste encore plein de choses à faire, plein de choses. Et j'ai envie de vous faire la liste vraiment impressionnante, à mon avis, des chaînes câblées qui n'ont pas duré très longtemps. Vous savez, HBO célèbre son 40e anniversaire et d'autres chaînes n'ont pas eu cette chance-là. Il y en a qui sont tombés très rapidement, donc 8 chaînes qui jusqu'à maintenant avaient été pas mal oubliées. Commençons par le Cable Music Channel du 26 octobre 1984 au 30 novembre 1984. Vous allez me dire, même pas, c'est à peu près un mois. Environ. Donc, pour essayer d'entrer dans le domaine des chaînes musicales télévisées 24 heures sur 24, le 26 octobre 1984, Ted Turner a lancé Cable Music Channel, qui était une version alternative à ce satané MTV. Tu sais, la musique là, satanique d'MTV. Disons que Ted Turner voulait faire le contraire. Donc, MTV, juste un petit peu de temps après, annoncer une future chaîne sœur qui allait jouer la même musique innocente, là, la musique pour adultes contemporains, ce qu'on appelle du AC, Adult Contemporary, Middle of the Road ou encore MOR qu'on appelle en radio. Donc c'était ce qui remplissait la playlist de Cable Music Channel. Mais évidemment, donc c'est ça, MTV a annoncé une chaîne sœur qui allait devenir éventuellement Video Hits 1, qu'on appelle maintenant VH1. Turner a eu de la difficulté à avoir des bons vidéoclips parce que MTV mettait de la pression sur les musiciens pour adhérer à un accord d'exclusivité. Lorsque les opérateurs de systèmes de câble ne mettaient pas CMC, donc Cable Music Channel, sur leur système, Turner a abandonné et a vendu sa nouvelle chaîne à MTV, son compétiteur, pour $1 million, seulement 34 jours après son lancement. Et Cable Music Channel a éteint sa diffusion le lendemain de l'achat. Ça a vraiment pas duré longtemps et justement, j'ai la petite publicité de CMC Cable Music Channel. Hi, I'm Randy Newman. Bonjour, ici Randy Newman, ici Corey Hart. Appelez votre mère, votre père, votre frère, votre soeur, votre tante, votre oncle, votre hamster, et parlez-leur de Cable Music Channel. C'est en stéréo, c'est en direct de LA, c'est le Cable Music Channel. Appelez votre opérateur comme distributeur maintenant et demandez le Cable Music Channel. C'est le Cable Music Channel. Appelez votre câble distributeur maintenant. C'est-tu pas merveilleux ça, hein? Tous les meilleurs du monde, là, Randy Newman, toi, ça se peut-tu? Ça a pas marché ce soir-là. Ensuite, le Satellite News Channel du 21 juillet 1982 au 27 octobre 1983. Ted Turner, dont on parlait tout à l'heure, qui était connu comme The Mouth of the South dans le début des années 80, avait pas réussi encore à créer un nouveau... Attends un peu. N'avait pas réussi à créer un nouveau réseau, oui, pour compétitionner avec et copier un réseau existant qui avait un format spécifique. C'est ça, on parle de Cable Music Channel. Il essaie de copier, ça n'a pas fonctionné. Pardonnez-moi, ça va pas bien aujourd'hui, Matou. Donc, CNN a surpris la plupart des experts des médias en étant une chaîne câblée 24 heures sur 24 que les gens regardaient vraiment. Donc, c'était Turner qui a fondé CNN aussi. Donc, ABC et Westinghouse se sont combinés pour créer le Satellite News Channel, une chaîne de nouvelles, évidemment, qui jouait 24h sur 24, SNC qu'on appelait, et son crochet, ce qui faisait que ça devait être différent des autres, c'est que les nouvelles allaient être mises à jour à chaque 18 minutes. Donc, une fois que ABC, une fois qu'il avait découvert Turner les intentions de ABC et Westinghouse, Turner s'est viré de bord tout de suite et a lancé CNN 2. Le 1er janvier 1982, CNN 2, plus de 5 mois après le début de Satellite News Channel. CNN 2 mettait ses nouvelles à jour à chaque 30 minutes. Et éventuellement, ça allait être renommé CNN Headline News. C'est plus tard devenu Headline News, qui est plus tard devenu HLN, qui existe encore aujourd'hui. Sauf que c'est rendu une chaîne sur les réseaux sociaux. Une chaîne de télévision qui parle de réseaux sociaux, c'est un peu n'importe quoi. Donc, Satellite News Channel, qui n'a pas réussi à être distribué par assez de câbles aux distributeurs. Les opérateurs ont dû choisir. C'était assez. Il y avait trop de chaînes de nouvelles. Et finalement, ça a fini par fermer SNC après 15 mois. Ensuite, le Overmeyer Network du 1er mai 1967 au 1er juin 1967. Donc, c'est Daniel H. Overmeyer, un millionnaire, qui a débuté en télévision en 1966. Il a créé WDHO-TV Channel 24 à Toledo, en Ohio. C'était d'ailleurs WDHO, c'était les initiales de Overmeyer, Daniel H. Overmeyer. Donc, après avoir acheté 5 stations UHF, Overmeyer a essayé d'utiliser ces stations-là et d'autres affiliés potentiels pour créer un quatrième réseau de télévision majeur seulement un an plus tard pour rivaliser CBS, NBC et ABC. Donc, essayant d'avoir du succès là où le Dumont Network avait échoué 10 ans, après 10 ans de diffusion, donc en 1956. Même s'il employait l'ancien président de ABC, Oliver Trace, et les droits de diffusion de la Continental Football League, qui est morte en 1969, il a rapidement eu des problèmes d'argent avant le lancement. 11 hommes d'affaires ont acheté une part majoritaire du réseau. Ils l'ont renommé le United Network. Ils ont regardé sa seule émission, une émission de fin de soirée de 2 heures nommée The Las Vegas Show, échouer. Donc, ils ont vu ça échouer. Ça n'a pas réussi à faire d'argent du tout. Donc, la facture de $400,000 pour leur bail pour le mois de juin. Et les lignes téléphoniques, c'est ça, c'était le bail des lignes téléphoniques de $400,000 pour AT&T. C'est ça qui a mené à l'annulation de l'émission et du rêve de M. Overmeyer et le Overmeyer Network. Ensuite, Hawk Vision, on est toujours dans la liste des chaînes de télé qui n'ont pas duré tellement longtemps. Entre octobre 92 et avril 93, existait Hawk Vision. Donc, c'était sous la croyance que ce n'était pas juste pour ceux qui avaient des billets de saison. Finalement, ça lui coûtait beaucoup d'argent. Le propriétaire des Chicago Blackhawks, Bill Wirtz, a décidé après la saison 92-93 de la NHL que sa franchise allait être la seule des 4 sports américains à ne pas avoir ses parties à la maison télévisées, donc ses parties dans sa propre ville. Donc cette décision-là, Colin, c'est donc bien compliqué cette histoire-là. Donc ils ont offert Hawkvision, voilà, un système de télé payante. Hawkvision existait simplement pour diffuser les parties des Blackhawks jouées au Chicago Stadiums. C'était pour les fans dans leur salon pour un frais, donc on chargeait pour cette chaîne-là. Ça n'a pas été profitable après une saison et Wirtz a refusé toutes les autres offres télévisées, oui, pour le reste de sa vie. Après être mort en 2007, les Blackouts, lorsque l'équipe jouait à la maison, ont finalement été retirés. Vous savez, quand t'es dans la ville où le match a lieu, tu peux pas regarder la partie à la télé. C'est un écran noir à la place. Ensuite, le Poppy Channel entre 97 et 2001, créé par un advertising executive, donc une personne qui travaillait en publicité, qui était tanné de regarder le procès de O.J. Simpson et les autres émissions de télé le jour. Il a lancé The Poppy Channel, donc une chaîne de 24h sur 24 qui montrait rien d'autre que des petits chiens, des chiots qui faisaient des... Mais dans le fond, c'est des chiots de show, c'est ça? Accompagné par de la petite musique instrumentale, sûrement de la Muzak. Ça a duré 4 ans et c'était aussi sur 4 systèmes de câble aux distributeurs. Ça s'est terminé en 2001. quand l'Internet commençait à fournir pas mal tout ce qu'il y avait, ce qu'on avait besoin en tant que, en termes d'animaux de compagnie. Donc le Puppy Channel est revenu justement sur Internet en 2008. Dog TV a été lancé. Donc Puppy Channel a été lancé en 2008 sur Internet et ensuite Dog TV a été lancé en 2012. Ça, c'est une chaîne 24 heures sur 24. Avec des sons, des couleurs et des angles de caméra qui essayaient de faire plaisir aux chiens eux-mêmes. Donc le premier, Puppy Challenge, c'était des émissions par rapport aux chiens, mais pour les humains. Alors que Dog TV en 2012, c'était une chaîne pour les chiens qu'on laissait allumer lorsqu'on allait travailler, par exemple. Ensuite, le Comedy Channel entre le 15 novembre 1989 et le 1er avril 1991, ainsi que la chaîne HA, avec H-A pour l'exclamation, entre le 1er avril 1990 et le 1er avril 1991. Donc Time Warner HBO ainsi que Viacom voulaient faire rire leur public, mais leur besoin de faire rire, Colin, n'a pas duré tellement longtemps. The Comedy Channel de HBO a été lancé en premier avec des émissions comme ma préférée de tous les temps, une de mes émissions préférées, c'est Mystery Science Theater 3000, l'émission qui rit des films. Ensuite, The Higgins Boys and Gruber, et une émission animée par Jon Stewart, qu'on connaît maintenant pour le Daily Show, ça s'appelait Short Attention Span Theater. Donc, qui combinait des sketchs et des clips de vieux films, des émissions télé, du stand-up. De l'autre côté, HA, par Viacom, a débuté le jour du poisson d'avril en 90, avec quelques émissions à sketch originales, comme The Unnaturals et Random Acts of Variety. Et un jeu télévisé nommé Clash, mais surtout des reprises de Saturday Night Live, des classiques des sitcoms comme I Love Lucy et The Phil Silver Show, un paquet d'autres. Étant donné que les câbles distributeurs ne voulaient pas choisir leur bar avec deux compagnies aussi puissantes, dans certains cas, ils n'ajoutaient pas aucune des deux chaînes finalement à leur bouquet de chaînes. Donc résultat, les chiffres étaient décevants pour les deux compagnies, même si bon, il y a eu une poursuite entre les deux, etc. Il y a plein de détails comme ça, mais ils ont fini par fusionner. Time Warner et Viacom ont fusionné pour former Comedy TV. D'ici au lancement de Comedy TV le 1er avril 1991, on a renommé la chaîne. C'est devenu CTV, The Comedy Channel. Et deux mois plus tard, j'imagine que ça doit avoir un rapport avec le réseau canadien CTV, mais on a rechangé le nom. Le 1er juin, c'est devenu seulement Comedy Central. Ensuite, CBS Cable. On a presque terminé, il nous en reste deux. CBS Cable. Attends un peu, non, je pense que j'avais une publicité pour HA. Je pense que oui. On va regarder ça, voir. Ouais. Ha! Ha! Ha! Ha! Là, on voit un vieux monsieur crier ha ha ha et ça dit TV Comedy Network. Ha! Là, c'est une jeune fille qui dit ha. Une grenouille. Une bête quelconque. Un petit canard. Ouais, c'est un peu basic quand même. C'est tout le monde qui dit « ah, finalement, c'est juste ça. Ensuite, donc, CBS Cable du 12 octobre 81 au 17 octobre 82. Le fondateur de CBS, William Paley, a donc géré la création de CBS Cable. C'était la première fois qu'ils allaient dans le domaine pas familier pour eux du câble. 10 millions de dollars ont été dépensés à l'origine sur la chaîne qui produisait ses propres émissions de culture, donc des émissions de grande classe. Les drames, le cinéma, le jazz, des entrevues avec des artistes de partout, et un quiz télévisé où, avec des enfants qui jouaient. C'est des enfants qui participaient, animé par Norman Lear. Donc CBS Cable, qui a continué à créer 60% de son horaire quotidien à chaque jour jusqu'à sa dernière journée. Donc ils ont présenté une nouvelle production de Gilbert and Sullivan's The Mikado. Perry a été forcé à fermer la chaîne parce que Bravo et ABC Hearst's Alpha Repertory Television Service, donc le Arts Channel, existait. C'est plus tard devenu A&E, Arts and Entertainment, une chaîne quand même assez connue aujourd'hui aux États-Unis, A&E. Et c'est eux qui retiraient toutes les codes d'écoute que CBS Cable aurait pu avoir. Et finalement, je pense que c'est ma préférée là-dedans, c'est America's Talking. Entre le 4 juillet 1994 et le 15 juillet 1996, des grands esprits derrière, de la présidence de CNBC et le chief executive Roger Ailes, qu'on connaît maintenant pour Fox News. C'est la première chaîne de talk show 24 heures sur 24, America's Talking. Donc, Ailes animait lui-même une émission d'interview de vedettes qui s'appelait Straightforward. Un psychologue et un thérapeute du comportement co-animait l'émission Am I Nuts? Suis-je fou? Break a Leg était animé par un gagnant de concours, Bill McCauley. Donc, c'est lui qui a gagné le concours pour animer pas MSNBC, mais America's Talking. Vous allez voir pourquoi je parle de MSNBC sans faire exprès. L'émission du matin, America's Talking AM, co-animé par Steve Doocy, qu'on connaît maintenant pour Fox News, une des grandes vedettes de Fox News. C'est un des seuls qui a suivi Roger Ailes quand il a quitté la compagnie en 96 pour aider Rupert Murdoch à démarrer le Fox News Channel. Le départ de Hales, les faibles codes d'écoute et un partenariat avec Microsoft ont mené finalement à la fin de America's Talking, mais aussi à la naissance de MSNBC. La seule émission en fait qui survit encore aujourd'hui de America's Talking, c'est Politics with Chris Matthews. Ça a survécu, mais c'est devenu Hardball with Chris Matthews, toujours sur MSNBC. Ce qui a survécu, c'est à peu près ça. Le reste, une chaîne YouTube que je connais pas trop. Donc voilà pour la liste des 8 chaînes de télé qui n'ont pas duré tellement longtemps. Une petite liste de 8. Moi, je trouvais ça vraiment très intéressant. Vous savez comment j'aime la télé. Et si vous aimez la télé, vous aussi, écoutez la chronique Television que je fais au Mathieu Plante Show les mercredis après-midi entre 13h et 15h. C'était pas une belle plug, ça? Je pense que oui, ça en était une. Voilà pour cette chronique de son foutu palmarès. Et c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Oh non, c'est vrai. Mais nous serons de retour demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30 pour une toute nouvelle édition d'Assemblage requis. Demain, l'émission, notre seul chroniqueur récurrent sera à Gabriel Béaud et la chronique dans les coulisses de la Luitre. C'est demain à 8h. Stéphanie Paradis et moi allons faire une chronique culinaire. On fait Master Steph une grosse pointe adresse en rotation, mais c'est jamais une rotation très très spécifique. Restez sur nos ondes. À 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, les coups des franches, l'émission sur les affaires étudiantes. Ensuite, à 17h, c'est Radar Jeunesse. 18h, Palmarès du Monde. 19h, Le Voyage Insolite. Et 21h, Rock de Neurones. Sif.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission, les balados, diffusion. Ah, c'est tout. C'est tout pour cette émission. Ça a été difficile sans Stéphanie. On se quitte avec une pièce de The Bar Brothers. J'ai dit tantôt qu'on ferait au moins jouer une pièce qui n'est pas sur le palmarès. Juste pour se mettre d'autres choses dans l'oreille, pourquoi pas. On s'en va entendre l'extrait Wolves. On se retrouve demain. Bye. Give it up.